Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr pour le 25e numéro du mag. Un mag qui, comme nous vous l'annoncions la semaine dernière, sera un mag oversized puisque la New York Comic Con a eu lieu ce week-end et elle nous a apporté un nombre incroyable de news du côté des adaptations télé et ciné de comics, mais également du côté des comics papier. On aura également quelques petites news du côté de l'AVF, un fun fact comme chaque semaine, et puis nous nous pencherons sur il y a un an, la grosse annonce qui avait fait trembler, on va dire, le New York Comic Con de 2014. Je suis Mathieu et vous allez écouter le 25e numéro du mag. Et avec moi cette semaine, Arnaud. Salut. Et Clément. Salut. On l'a dit, on a du boulot ce soir. On a énormément de news qui sont tombées à New York et un petit peu avant la convention. On va commencer, comme de coutume, par l'actu télé. Et on va commencer avec Arnaud qui va nous parler de plusieurs news concernant la série événement du mois de novembre. Oui, sur Jessica Jones, donc, qui est bien sûr à peine un petit mois de sa sortie, un petit peu plus d'un mois de sa sortie. Forcément, ça allait être au cœur de la New York Comic Con. Et vu qu'il y a Marvel et Netflix en plus derrière, forcément que la com est passée par là. Et donc, on a eu plusieurs teasers encore. On a eu deux nouveaux teasers par rapport à la semaine dernière. Un où on voit... alors, il se passe au milieu de la nuit, il me semble. Oui. Où on voit Jessica Jones utiliser un nouveau pouvoir. Cette fois-ci, c'est pas sa force. C'est simplement, elle peut voler. Elle utilise son pouvoir pour voler. Et du coup, elle se met à voler au milieu de New York. Et un autre teaser où cette fois-ci, ce n'est pas Jessica Jones qui est au cœur du teaser, mais son ennemi, Killgrave, qui est donc interprété par David Tennant, et on entend pendant à peu près une minute trente, il la voit assez menaçante de David Tennant, qui justement menace Jessica Jones. Donc à ce moment-là, on a une petite pensée pour Léo, un fan ultime de David Tennant en France. Et moi franchement, ça m'a donné encore plus envie. J'avais beaucoup aimé déjà les premiers teasers, ils étaient sympas sans plus, mais ce dernier teaser, déjà, on voit un nouveau personnage qui, en plus, n'était pas très rassuré à l'idée de le... J'adore David Tennant, mais je ne savais pas s'il allait avoir la carrure pour jouer un méchant pareil. Hein. Et on verra avec la série. Mais en tout cas, ce teaser m'a donné plutôt confiance. Ouais, pareil. Et puis, quelle esthétique, encore une fois. Quoi. C'est ça. Esthétiquement, ces deux teasers-là, ils sont incroyables. Ouais, ouais, ouais. Incroyable. Enfin, moi j'en ai vu qu'un, mais esthétiquement, ouais. Et on sent tout de suite le ton que va avoir la série, ça s'annonce quand même assez sombre du gabarit, on va dire, de Daredevil. Mais ouais, ouais, non, ça, honnêtement, ça s'annonce très très bon. Et il paraît justement que la série est très bonne, puisque. Alors, pour le panel de Daredevil à la New York Comic Con, ils ont eu le droit à un petit teaser de la saison 2 où on voit Elektra et le Punisher et le nouveau costume de Daredevil. Mais pour le panel de Jessica Jones, ils n'ont pas eu un teaser ou un trailer, ils ont carrément eu le pilote. Ils ont eu tout le premier épisode et les retours sont très très positifs. Le pilote a été longuement ovationné à la fin de la diffusion, donc a priori... Ça a plu au public présent, même si c'est un public déjà conquis, hein, parce que le public qui assiste à ce genre de panel, forcément, oui. C'est du fanboy, mais bien bon, sûr. Voilà. Après, ça aurait pu être complètement rejeté. Hein. Oh bah oui, ça. Oui. Tu m'emmènes à un panel Gotham, j'ai beau être fan de Batman, ça va pas passer. Ouais, mais tu n'es pas fan de Gotham, donc t'irais pas à un panel Gotham. Allez, on continue sur Jessica Jones, qui se voit introduire en comics. Oui. Et donc ça, c'était avant la New York Comic Con, mais pour faire patienter les fans jusqu'au 20 novembre, Marvel a sorti un comics de 12 pages, écrit par l'équipe, enfin qui vient de l'équipe d'origine du comics Alias, puisque le comics a été écrit par Brian Michael Bendis et dessiné par Michael Geddos, avec la couverture de David Mack. Voilà. Un beau trio quand même, pour un comics gratuit sur le site Marvel, qui ont au moins le mérite de présenter l'univers et d'introduire la série. Donc, du coup, je l'ai lu celui-là. Il introduit la série et en plus il fait le pont d'une manière assez sympa avec Daredevil. Donc, J'ai feuilleté pour voir les dessins, mais je l'ai pas vu. voilà, c'est assez intéressant du coup, de voir effectivement entre les deux séries. On a ces 12 petites pages qui connectent d'une manière assez sympathique les deux personnages. Donc, c'est cool. La couverture de Back, comme d'habitude, est à tomber. Enfin, bon. C'est gratuit, c'est aussi dispo sur Comixology et même sur Comixology France, donc faites-vous plaisir. Et comme tu disais, ça connecte avec Daredevil, hein. Mais la série va aussi connecter avec Luke Cage, puisqu'on sait que le personnage apparaîtra, et sans doute avec la petite dernière des quatre séries commandées Netflix, puisque apparemment, enfin, ça a été confirmé, mais Carrie Ann Moss, donc l'actrice qu'on a vue dans Matrix principalement, on savait qu'elle était dans la série, mais on ne connaissait pas son rôle. Et son rôle a été dévoilé à la New York Comic Con, et on a appris qu'elle jouera une version féminine d'un personnage, d'un avocat du comics qui s'appelle Jerrine Hogarth. Et cet avocat pour particularité lié à un personnage bien connu, Iron Fist. Voilà, donc du coup, Jessica Jones, ce sera une série centrale, puisque si on voyait en plus Charlie Cox faire son petit caméo, ce serait la série qui relie les quatre autres, enfin les quatre en Ce qui est fait. probable. Ce serait pas impossible. Non, ce serait pas impossible, c'est clair. Ou au moins un personnage de la série, peut-être l'infirmière, peut-être. Bah, surtout que les Il, deux. elle a, vu que Carrie Ann Moss va jouer une avocate, ils peuvent très bien se croiser, juste un petit caméo, ils peuvent se croiser au Oui, tribunal. voilà. Mais surtout que je crois qu'en plus les deux séries se tournent globalement en même temps, je crois. Enfin, ont été tournées en même temps. Alors, Non, ils n'ont pas non. été tournés en même temps. Non, C'est la ah bon? saison 2 de Daredevil qui a été tournée un peu après la saison 1 Ah, de c'est un Jessica peu Jones. après. Ouais, et puis chronologiquement, Jessica Jones se situera après Daredevil et on le sait bien quand on voit l'introduction comics, justement. Voilà. D'accord. Allez Clément, ça va être à toi. Tu vas nous parler de deux séries animées. Ouais. Donc là, c'est la série animée Guardian of the Galaxy, donc qui est officiellement renouvelée pour une saison 2. Donc je ne sais Alors pas que si elle est passée en France. la première vient Pardon? juste de commencer Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, j'avais un doute. dans le bloc Marvel aux États-Unis là, sur j'ai oublié la chaîne Disney XD, je crois. Oui, c'est ça. Très sympa d'ailleurs. J'ai pu voir le premier. On est loin des Avengers Assemble et Ultimate Spider-Man et compagnie. C'est assez sympa. D'accord. Et autre série, et là, c'est du côté de DC Comics. Donc, ça a été confirmé après. Enfin, moi, j'avais vu ça. Apparemment, ça avait été une image qui avait laissé sous-entendre cette série. Donc, là, une nouvelle série animée, Justice League, a été annoncée. Ouais, donc Voilà. là, ouais, comme tu dis, hein, ça faisait longtemps qu'on en avait parlé, la rumeur datait de la fin de l'été, là, ça a été confirmé par Cartoon Network, je crois, Ouais. et du coup, on retrouvera, alors c'est pas pour maintenant, hein, ça serait pour l'automne 2016, si j'ai bien compris, mais au moins on sait qu'on aura droit à une nouvelle série Justice League. En espérant que ce soit pas, enfin, rien ne pourra remplacer Ce qui la pourrait série expliquer la Bruce. ressortie en DVD Blu-ray de l'ancienne série Justice League. Ah ouais, et ça, après, on peut toujours espérer que ça soit dans la même lignée ou que, mais bon, faut pas trop rêver, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Si Bruce Timm est là pour la suite. Ouais, c'est ça aussi. Ouais. On va rester dans les séries télé, évidemment, on est loin d'avoir terminé dans cette partie. Et on va parler de Peggy Carter avec toi, Clément. Oui. Donc là, il y a donc la saison 2 est en cours en tournage, je crois. On voit par-ci et là quelques vidéos, en partie des vidéos de tournage. Et donc là, c'est du casting qui a été annoncé. Donc je ne sais pas si c'est vraiment au cours de la New York Comic Con, si ça a été C'était en fait. marge en tout cas. Hein. Ouais, en marge. Alors, on aura donc, je sais pas comment ça se prononce, Vin, Gwen, Win, oui, je sais pas. Gwen, je sais pas, Win Everett, qui sera Whitney Frost, donc alias Madame Mask, donc ça sera l'ennemi de l'agent Carter dans la saison 2. On aura Currie Graham, qui sera son mari, donc Calvin Chadwick, et Lotte Oui, Berry, ouais. Verhey, elle jouera la femme de Jervis, donc on verra enfin la femme de Jarvis, et enfin Reggie Austin, je sais pas du tout si ça se prononce comme ça, Reggie Austin incarnera Jason Wilkes, un scientifique qui aidera Peggy. Donc Voilà, donc on a du renouveau. un bon gros casting secondaire là qui a été annoncé, un bon gros C'est bloc de ça. rôle. Madame Masque, on le savait, c'était la méchante de la saison. Voilà, maintenant elle a un nom. Ça sera Winnie Everett. Après, pour le reste, oui, effectivement, la femme de Jarvis enfin va prendre corps, j'ai envie de dire, après avoir entendu parler pendant toute la saison, on va enfin voir à quoi elle ressemble. Très curieux. Et donc la saison 2 d'Agent Carter, ce sera a priori pour début 2016, trêve hivernale. Ouais. Bah, comme l'année dernière, je pense. Mais c'est ça, Oui, c'est ça. début Ouais. janvier. C'est ça, c'est ça. Une série qui, elle, avait commencé l'hiver dernier, mais qui a eu droit à sa reprise dès la rentrée, c'est iZombie Zombie, et on a appris une plutôt bonne nouvelle pour la série, Arnaud. Oui, donc la saison 2 vient de débuter avec Flash la semaine dernière. Et elle a débuté pour 13 nouveaux épisodes. Sauf que, la bonne nouvelle, la CW a commandé 9 scripts supplémentaires. Donc c'est pas encore des épisodes, c'est pas une commande d'épisodes, mais c'est une commande de script, mais c'est mieux que rien. Souvent, ça amène à une commande d'épisodes plus tard. Et donc si ces 9 scripts sont pris par la CW, ça ferait que la saison 2 monterait à 22 épisodes. Donc une saison pleine. Complète, ouais. Voilà. Donc beau succès pour iZombie, hein, qui était juste là pour être testé la saison dernière, qui Ouais. a plutôt bien marché, surtout C'était du remplissage à la surtout. fois du côté audience, c'était plutôt bon, et puis du côté critique, c'était dans l'ensemble un très bon Ah retour. Ça s'est bien passé pour le retour mardi, donc voilà, la série semble ouais. Elle passe après ou juste après. après Flash, ouais. Juste après Flash. Ouais, donc ça, je pense qu'elle profite aussi Elle en profite, hein. Il y a une des chute, bonnes il y a une audiences. chute, hein, par contre, entre les deux séries, c'est clair, hein. On n'est pas du tout Oui, sur le même niveau c'est d'audience. sûr. Flash est toujours très très fort, on a pu le voir encore mardi. Après, voilà, elle se comporte plutôt bien. Oui, donc après moi je sais pas, moi j'avais regardé le premier épisode sans m'a compris, j'ai jamais terminé. Donc je sais pas trop ce que ça vaut. Là là. Ouais, je sais, je mérite d'être fatigué. Ouais, eh ben tiens, tu mériterais que le trickster s'en prenne à toi. Oui, oh oui, oh oui. Oh putain. Oh mon Dieu. Le moment gênant de l'émission a été atteint, on n'en est que dans la Ça. partie télé. Pauvre C'est ça. Marc-Amil, il n'a pas besoin de ça à son âge. Ah, un an sale. Oui, donc on parlait de Mark Hamill qu'on va prochainement revoir dans un film qui n'est pas du tout attendu du tout. Non. Donc, pas du tout, hein, Star Wars 7, c'est vrai que c'est un film qui va pas du tout C'est faire quoi un impact. d'ailleurs? Je connais même pas. Non, moi non plus, je connais absolument pas, c'est un film que je n'attends absolument pas avec impatience. Donc, trêve de plaisanterie. Donc, on a appris cette semaine le retour de Mark Hamill dans le rôle du trickster. Donc, qui était déjà apparu dans la saison 1. Moi, personnellement, j'avais plutôt bien aimé. C'était complètement barré. Moi, Ah oui, c'était oui, c'était c'était un peu top. taré comme épisode, oui, Ouais. surtout. Mais c'est justement, mine de rien, Mark Hamill fait très bien le faire. Vous ressentez l'inspiration. Enfin, je pense qu'il a dû puiser un peu dans ce qu'il avait fait en matière de doublage avec le Joker, mais Oui, puisqu'il avait fait dans les années 90 ça. aussi, c'est pas si loin non plus. C'est ça. Oui, exact. Exact. Et puis, il nous avait quand même valu une des répliques Oui, les plus ah oui, mémorables de la ah saison, hein. oui, ah oui, c'est vrai, Donc, c'était, on va voir ouais. ce qu'il nous réserve. Peut-être qu'il s'adressera à quelqu'un en lui disant We're home. C'est ça, c'est ça. Non, mais c'est cool qu'il revienne. Ouais. Alors, on va changer complètement de ton. Là, on n'est plus du tout dans la légèreté de The Flash ou dans le côté coloré. On va passer à Outcast maintenant, une série qui arrive en 2016 sur Cinemax, adaptation du comics de Robert Kirkman et Paul Azaceta au dessin. Une série qui a été achetée donc par Cinemax, qui est en cours de production, qui va être diffusée en 2016, et on a eu droit à un nouveau trailer, plutôt un teaser, parce que vu la durée du c'est une bonne minute, voilà, pour la série. Donc une nouvelle vidéo disponible évidemment un petit peu partout sur Internet, qui nous propose une plongée un petit peu plus dans l'univers de la série. Et enfin moi, ça m'a fait vraiment envie. J'ai reconnu vraiment l'ambiance. Crasse du comic, c'est vraiment le côté un peu malsain par moment. Voilà, ça transparaît dans cette minute de teaser. Donc, voilà, ma curiosité, ça y est, ma curiosité est piquée et je veux voir ça maintenant. J'ai pas du tout ressenti ce que tu décris là, l'atmosphère crasseuse, tout ça, j'ai pas du tout ressenti ça. Et ça m'a pas dégoûté de la série, on va pas dire jusque-là, mais ça m'a pas non plus donné envie de me précipiter sur le pilote quand il sortira. Donc à voir avec d'autres trailers plus longs, peut-être parce que c'est juste une minute et ça m'a pas suffi. Oui, et puis il y a aussi, c'est vrai, je pense qu'il joue beaucoup sur ce teaser, sur le... sur les lecteurs de la série qui connaissent la série, et y a plein de petites images comme ça qui rappellent des cases assez marquantes dans, le, dans la version comics, et du coup il y a peut-être ça aussi que j'ai ressenti en voyant certaines choses, je me suis dit ah purée, et voilà, ça va peut-être jouer. Peut-être. C'est vrai que j'ai pas encore fini le tome 1, donc on peut pas dire que je suis un gros lecteur de la série. Clément, tu as vu ce teaser ou pas? Absolument pas. D'accord. Eh bien Clément, tu vas garder la parole et puis tu vas terminer notre partie télé avec une annonce concernant The Walking Dead. Oui, donc ça y est, pour tous les fans, The Walking Dead, ils ont enfin annoncé le retour de The Walking Dead, donc après la pause, pour la deuxième moitié de saison, le 14 février. Happy Valentine. Donc voilà. Deuxième partie de saison, le 14 février, et puis bah, le retour, c'était ce dimanche, hein, puisque la saison 6, ça y est, a démarré. Voilà, qui nous amène à la fin de la partie télé, qui n'était que le premier quart, on va dire, de l'émission. Bon, c'était pas la plus longue partie. C'était pas la plus longue, mais la partie comics, une fois n'est pas coutume, sera la plus longue. On va faire une petite pause avec le fun fact de la semaine, qui est un fun fact romantique cette fois-ci, qui se passe dans les années 70, on remonte un petit peu plus loin que les fois précédentes. Et dans les années 70, DC avait une excellente, une formidable idée. Il s'était dit, tiens, et si on faisait un nouveau couple dans notre univers? Alors, on va prendre une femme bien emblématique de l'univers, Wonder Woman. Ouais. Et avec qui on va la mettre? Juste comme ça, à votre avis. Avec qui DC avait envie de mettre Wonder Woman? C'est une mauvaise idée. Oh, pff, je vous laisserai seul juge. On va pas dire Superman puisque c'est un avec je sais pas, truc horrible. Mogo. Oh. Flash. Non, mais cela dit, Clément, t'es pas loin, c'était avec Green Lantern. Ah. Donc ouais. DC avait des plans de mettre Green Lantern et Wonder Woman en couple. Ouais. Non. Ouais, non. Ouais, donc Green Lantern, Jordan. Hein. Ouais. Ces plans ont été complètement avortés à cause ou grâce à un petit événement. C'est que DC a reçu une lettre de fans. Souvent pour le courrier des lecteurs, les fans envoient des lettres pour être publiés dans le magazine. Ouais. Et ce fan, dans sa lettre, suggérait à DC de mettre en couple Wonder Woman et Green Lantern. Et à partir de ce moment-là, pour des raisons de droit, pour des raisons légales, DC n'avait plus le droit de le faire. Con, puisqu'ils auraient été obligés de rétribuer l'idée à ce lecteur. Ah, merci à ce lecteur qui nous a épargné cette horreur. Donc du coup, bah, c'était soit DC gardait cette idée, mais légalement, ça aurait dû être considéré comme une idée de cette personne qui avait écrit le courrier, donc il aurait dû avoir des droits sur, sur ça. Donc DC a choisi de reculer et de ne pas faire démarrer cette idylle. Merci, qui que tu sois. Ouais. Donc, on ne sait pas qui est ce lecteur, mais effectivement, voilà, il a de plutôt bon. Où est-ce qu'il est ? Donc, bah, je vous propose d'envoyer des lettres, hein, maintenant. Envoyez des lettres à Marvel, envoyez des lettres à DC, je ne sais pas, envoyez-leur une lettre qui dit « Et si vous pouviez, vous pourriez pas refaire un Secret Wars ?» Ou je ne sais pas. Si quelqu'un avait envoyé une lettre à DC pour lui proposer Convergence. Enfin voilà, on aurait pu éviter plein de choses comme ça. Donc voilà, le petit, petit fun fact de la semaine, histoire que j'ai trouvé assez, assez marrante. Comme quoi, les lecteurs peuvent proposer des choses. Hein. On se rappelle de Venom, on en a parlé il y a quelques semaines. Et puis là, grand merci, cette idylle qui n'aura jamais eu lieu. On va passer à la partie Actu Comics VF. On a appris surtout des annonces de sortie du côté d'Urban, deux sorties pour fin janvier, dont une qui va faire plaisir aux fans de Flash, puisque Urban va sortir Flash, la légende, tome 1, qui sortira le 29 janvier pour 35€ dans la collection Archive. Ce sont les récits de John Broome, dessinés par Carmine Infantino, et c'est tout simplement la première apparition de Barry Allen, qui sera dans ce volume-là. Donc, Oh. donc c'est le Showcase numéro 4, Showcase 8, 13 et 14. Et puis après, les numéros de Flash 105 à 116, qui mettaient donc tous en scène Barry Allen. Donc Showcase 4, première apparition du personnage. Et après, bah, on va avoir toutes ces premières histoires dans ce gros volume, hein, puisqu'il va contenir quand même 16 épisodes. Et ça reprend la première moitié de l'omnibus qui est sorti il y a un ou deux mois chez DC. Voilà. Donc du coup, pour les fans de Barry Allen et qui aiment bien les comics un peu, comment dire, qui ont marqué l'histoire, ben voilà, vous avez quelque chose là qui s'annonce intéressant. Et puis toujours le 29 janvier, le tome 4 de Batman Eternal qui conclura donc la série pour 22,50 €. Et puis deux titres annoncés pour le moment en février. Enfin, le Superman Unchained. Enfin. Qui sortira donc au mois de février, 352 pages, les 9 numéros de la série, et pour 28 €, donc plutôt un bon rapport entre le nombre de Ouais. pages, le nombre d'épisodes et le prix. Alors, après, je pense que c'est une histoire qu'il faut, Faut lire d'un trait. ouais, qu'il faut lire un peu, parce que, enfin, je sais pas, je crois que toi aussi tu l'avais lu Oui, les retards dans et la tout ça en diffusion BO. BO, et avec les, en fait, avec les, il y a eu un, enfin, je sais pas combien de mois de retard, et du coup, bah, tu savoures beaucoup moins, Ah enfin, oui, là, c'était bien tu moins savoures sympa, beaucoup, c'est clair. bien moins sympa, alors que finalement, je pense que si tu lis tout d'une traite, ça peut être un, assez sympa à lire. Il y avait quand même des pistes intéressantes. Donc, je trouve ça très bien qu'ils sortent ça en relié avec tous les numéros d'un. Ouais. C'est une bonne chose. Ouais, non, c'est plutôt une bonne idée, effectivement. Et puis la dernière sortie pour le moment annoncée au mois de février, c'est le cinquième et dernier tome de Fairest, la série spin-off de Fable, qui sera donc dispo le 5 février pour 15 €. On va guetter la suite hein, des annonces. Et puis de son côté, Panini a lancé sa checklist de décembre. Donc on le savait hein, que tous les titres kiosques allaient s'arrêter, qu'on avait les derniers numéros de tous les magazines. C'est chose confirmée par cette checklist. Toutes les séries s'interrompent avec leurs derniers numéros et des petits hors-séries pour compléter. Et la surprise, entre guillemets, du côté de la librairie, c'est qu'on n'aura que 5 sorties dans le mois de décembre. Panini va nous foutre la paix, entre guillemets, le mois de Noël, puisque... Mais attends, pourquoi ils sortent plus, ils sortent rien en kiosque? Mais ils sortent tous les kiosques, plus des hors-séries pour tout boucler, et ils ne sortiront que 5 séries, 5 tomes en librairie au mois de décembre. Ça s'explique, hein, parce ils ont sorti 2 omnibus là, au mois d'octobre, Ouais. deux absolutes, chacun à 75 €, les omnibus à 66 €. Ils vont sortir au mois de novembre leur gros coffret Marvel Events à 139 €, je crois, Ah oui, d'accord. avec les 6 tomes qui vont sortir l'année prochaine en 2016, qui sont déjà regroupés en avant-première dans ce coffret. Donc voilà, ils ont sorti de beaux cadeaux pour Noël. Donc au mois de décembre, ils lèvent le pied sur les sorties. C'est pas une mauvaise idée. On aura droit au 100% Star Wars Canon Last Padawan tome 1. On aura 6 épisodes pour 14,95 €. On aura surtout le 2 décembre 100% Star Wars. Star Wars, les ruines de l'Empire, qui est donc le préquel, qui fait le pont entre l'épisode 6 et l'épisode 7 qui sort au cinéma le 16. 96 pages, 4 épisodes et 13 €. Ah, ça va. Un prix tout à fait sympa pour un hardcover en plus. Voilà. Ça va, effectivement. Et puis les trois autres tomes, on peut tous les citer, la checklist est tellement courte. Ça sera Superior Spider-Man tome 5, qui boucle a priori la série Superior Spider-Man. Ah non, il en restera un après. Les Gardiens de la Galaxie, All New X-Men, le crossover procès de Jean Grey, qui sortira Quelle également, horreur. n'est-ce Oh pas? mon Dieu. Voilà. Oh la vache. Donc vous savez que celui-là, vous ne prenez pas déjà. C'est ça. Et puis on Bah, aura droit. Superior Spider-Man, remarque. Si, si, si, Visiblement. euh, si, si, si, si. Vous pouvez jeter un œil si vous avez loupé le kiosque. Et puis on aura droit au Best of Fusion Comics Buffy contre les vampires saison 10, tome 3, qui est donc inédit en France. Et puis Panini nous signale également un livre qui s'appelle Marvel Comics 50 ans d'histoire, un livre de 580 pages dans leur collection Panini, sous le label Panini Books. 580 pages, 25 €, qui raconte toute l'histoire de Marvel vue par la presse. Ah, c'est C'est intéressant. intéressant. De GQ à Rolling Stone, en passant par le New York Times ou le Los Angeles Times, Marvel's Comics 50 ans d'histoire est un ouvrage historique et un must ayant reçu l'Eisner Award 2013 du meilleur ouvrage sur les comics. Voilà la sollicitation de Panini. Ça Pas peut être mal. intéressant. Ça peut être intéressant, effectivement, c'est un livre un peu sur les comics, aucun comics. Voilà. Petite checklist donc du côté de Panini, petite dose de news du côté de l'AVF. Maintenant, on va attaquer les deux gros morceaux. Le ciné pour commencer, et après on parlera des comics VO. Et du côté du ciné, Marvel Studios un petit peu bouger les cartes pour la phase 3 qui devient une phase 3 Rallonge. énorme, oui. Qui est... ouais. Arnaud. Ils ont créé la surprise le premier jour de la New York Comic Con, en plus. Donc ça a commencé fort. Et oui, ils ont annoncé une suite à Ant-Man. Donc Ant-Man and the Wasp, qui sortira le 6 juillet 2018. Et comme Marvel l'a bien fait remarquer pour dire, vous voyez, on n'est pas sexiste, ils ont bien appuyé en disant que c'était le premier film Marvel avec un personnage féminin dans le titre. Pas de bol, le personnage féminin arrive après le masculin, donc il y a eu beaucoup de critiques à propos du titre. Bah après, Ant-Man and the Wasp, enfin, moi, c'est juste de manière purement auditive, et voilà. Ant-Man and the Wasp, ça va beaucoup mieux à dire que The Wasp and Ant-Man. C'est sûr. C'est pas faux. Mais bon. Ils ont, comme eux ont bien appuyé sur ce point-là, il y a des autres qui ont réagi par rapport à ça, et ce que je veux dire par la suite, il n'y a pas que ça. C'est ça. Et pour 2018 aussi, il y a un nouveau film, enfin nouveau. C'est plutôt un film de 2017 qui est repoussé à 2018. C'est Black Panther, donc premier film avec un héros noir, qui passe de novembre 2017 au 16 février 2018. Et là, pour le coup, le premier film avec une super-héroïne, donc Captain Marvel, qui est repoussé là de 9 mois. Donc, il devait sortir fin 2018 et qui est repoussé. C'était pas l'été 2018 ? Peut-être, oui. Je crois que c'est l'été 2018 et ils l'ont repoussé au 8 mars 2019. Voilà. Ah ouais. Alors, tout ça parce que Ant-Man a pris un slot et puis parce qu'ils ont mis aussi le film Spider-Man sur un slot aussi. Donc, forcément, ça a un petit peu décalé le reste. Et ils ont annoncé également autre chose pour 2020. Et là, c'était. Ajouter Ant-Man, bon, c'est une surprise parce que le film a pas fait beaucoup au box-office, mais bon, c'est une nouvelle franchise, on s'en doutait, le personnage en plus va apparaître dans Civil War, tout ça, donc c'est pas non plus une très grosse surprise qu'il y ait un sequel. Par contre, ajouter 3 nouveaux films pour 2020, ça c'est une surprise, surtout qu'on ne sait pas si c'est la phase 3 ou si c'est le début de la phase 4. Phase 3, on le sait. Ah, ils ont annoncé que c'était la phase 3 et toutes les annonces là, qui ont eu lieu, c'était la phase 3. Donc, ça veut dire... Très grosse phase 3. Une phase 3 à 14 films. En plus, une phase 3 qui ne se terminera pas avec Avengers Infinity War, comme on pourrait le croire. Hein. Bah, comme la phase 2 ne s'était pas terminée avec Avengers. C'était Ant-Man, c'était étonnant. Mais là, Infinity War, c'est quand même le combat contre Thanos. C'est la fin d'un chapitre, comme Kevin Feige l'a dit lui-même. Ouais. Donc, c'est étonnant. Surtout quand tu vois le budget qu'ils vont avoir. Donc du coup, ce sera le gros climax de la phase 3 qui se terminera après, je pense, par des films tout simplement qui vont présenter les prochains Avengers. Ouais, je pense aussi. Sans doute, oui. Ah ouais, je pense. Et les Inhumains. C'est une forme de descente un peu en douceur après le climax d'Infinity War. Et ben on va glisser doucement sur la prochaine phase en réintroduisant des personnages et en voilà. Donc, ils auraient pu ouvrir la phase 4 avec ça. Donc on obtiendra du coup une jolie phase 3 avec donc 14 films, je crois, si je me rappelle bien. On aura peut-être un film. Tiens, quelque chose qui n'aurait pas dû avoir lieu, Arnaud. Bien sûr, je pense que tout le monde a deviné. On parle des 4 Fantastiques. Oui, on pas. Donc, partie ciné qui n'aurait pas dû avoir lieu, 4 Fantastiques, partie série qui n'aurait pas dû avoir lieu, Powers. Voilà. Pour résumer. Oui, et ça n'aurait pas dû avoir lieu, et je pense que la Fox est d'accord avec toi parce que le box-office n'est pas glorieux quand même. Box-office définitif, il faut le préciser parce que c'est Arnaud quand même, ça laisse à croire que ça fasse ça. Il y aura rien de plus, ils ne vont pas gagner un centime de plus au cinéma. Le film a récolté aux États-Unis, juste sur le territoire américain, 56 millions de dollars. Ce qui est que dalle. Puisque, pour comparer, le premier film Fantastic Four de 2005 a gagné plus de 56 millions de dollars sur son premier week-end. Là, Fantastic Four fait moins en quoi, 2 mois ? Bah, sur toute sa carrière. Ouais, en 2 mois et demi. Oh la vache ! Voilà. Donc, c'était véritablement un fou. Hein. C'est ça. C'est une honte pour eux. Dire qu'on parle. Le producteur dit toujours qu'il bosse sur un 2. Hein. On ne sait pas, il le voit son 2, mais je pense il pas bosse que dessus. Je pense pas que les studios de production vont avoir dépensé. Il va le produire lui-même dans son garage, je crois. Après, il a été remboursé, hein, donc certes, ça leur a pas rapporté, mais au moins, ça leur a rien. Enfin, ça aura pas coûté. Oui, enfin, il faut compter. J'ai pas regardé les chiffres en comptant l'international, mais si tu comptes les chiffres de production plus le marketing, il est pas rentable. À peine, ouais. Je pense pas qu'il doit être rentable, si tu comptes le mar... Parce que le marketing, pour un blockbuster, c'est plus ou moins le même budget que le film. C'est à peu près les deux tiers. On verra, hein, de toute façon. Mais ils sont bien capables de nous en faire un autre. Ouais, Juste pour pas perdre malheureusement. la licence, hein. C'est ça. C'est ça. Parce Allez, qu'à la base, ce film, c'était juste pour ça. on va quitter l'univers Marvel au cinéma, on va passer à l'univers DC au cinéma, mais d'abord au cinéma d'animation. Décidément, l'animation te suit ce soir, Clément. Ouais, c'est ça. Et pour une... là, on peut supposer que ça va être un bon truc. Donc c'est par rapport à l'adaptation de Killing Joke, que l'on ne présente plus. C'est certainement l'un des comics les plus emblématiques de DC Comics et du Batverse. Donc là, c'est plutôt intéressant parce que DC a accordé la possibilité, donc c'est pas obligatoire, mais en tout cas, ils l'ont accordé. Ils ont accordé la possibilité au réalisateur du film Killing Joke, soit rated R, donc soit interdit au moins 12 ans, voire 16 sans parent. Voilà. Donc si c'est ça, bah, ça promet d'être dans le ton du comics. C'est ça, d'être bien trash. C'est ça. 2016 pour le projet, donc on va attendre patiemment. On va attendre patiemment un autre film, c'est le film Justice League, enfin Dawn of Justice, Batman v Superman évidemment, qui sort lui au printemps. Et on a eu droit à pas mal de concept art concernant les costumes des personnages. Donc Batman sans surprise, Superman sans surprise, Wonder Woman. C'est paré d'un, comment dire, d'un petit plaid en plume. Ah, Ah, t'es méchant. maintenant, Moi, cette carte, moi, j'ai beaucoup de mal. tu trouves? Moi, je Ouais. trouvais ça Moi, je la trouve. Ça ça leur. plutôt classe. Ouais, je suis d'accord. Ouais, non, Pour bah, moi, moi, je. c'est classe. Honnêtement, je trouve qu'il. Enfin, si c'est comme ça dans le film, on peut imaginer que ça le sera. Ils ont réussi, bah, déjà à moderniser le costume. Et si on a un rendu similaire au cinéma, ça peut être ça, en termes esthétiques et costumes pas trop, comment dire, pas trop cheap, ça peut vraiment donner quelque chose de sympa, D'accord, bon bah moi je trouve. je trouve ça très moche, mais ok, Ah pourquoi? bon? Ah ouais. Ah bah écoute, en tout cas, après, le costume, moi je le trouve plutôt sympa. Le reste du costume, j'ai aucun souci avec, mais Ouais. alors cette cape. Ah non, moi je Ouais, bon, trouve. ce sera 10 minutes dans le film, c'est pas la mort. Oui, bah, c'est Edna Mode qui doit être contente. Clone, le comics qui sort chez Image aux États-Unis et chez Delcourt en VF, sera adapté au cinéma. On avait entendu plusieurs rumeurs comme quoi Clone pourrait éventuellement devenir une série télé. Finalement, on se dirige plutôt vers donc série télé qui était développée d'abord pour NBC, puis par Syfy. A priori, maintenant, on se tourne plutôt du côté de Skybound et des. De Skybound, c'est le studio qui produit les comics, n'importe quoi. On se tourne plutôt du côté d'Universal pour le cinéma. Voilà. Donc, Clone, un comics scénarisé par David Schuller et dessiné par Juan José Rip, qui est franchement sympathique. Moi, j'attends le jour où ils annoncent une saga au cinéma. Je peux Non, rêver. en série. En série ou film, je suis Bah, le très. problème de la série télé sur Saga, c'est le budget, Le quoi. coût. Ouais, Ouais. non. Ça Je préfère attendre et voir plusieurs films Ouais, moi aussi. plutôt qu'une série. Ouais, non. Franchement. Un budget du câble Netflix. Non, même pas. Je pense pas. Là, du. Non, non, je pense pas. Ah, ils sont généreux le câble et Netflix, non? Oui, Ouais, mais pour un truc comme ça, c'est quand même proche du Space Opera. Donc, je vois plus ça pour un budget ciné. Mais c'est bien qu'ils adaptent. Enfin, que là, il y a un petit mouvement d'adaptation de comics, hein, indé, quand on sait, par exemple, je crois que c'est Sony qui a déjà les droits pour Descender. Et même si forcément ça va pas être demain la veille qu'ils vont l'adapter, mais c'est cool quoi qu'ils Et se puis c'est pas Sex Criminals aussi qui est en développement? Ouais. En série? Série télé. Oui, Sex c'est Criminals ça. développé pour une série télé, ouais. Bon, on verra quels projets aboutiront. Hein. Pour le moment, c'est avec des projets de développement. Hein. Ouais, Oui. mais voilà, c'est cool. Ce mouvement, ça change des grosses maisons d'ici et Marvel, surtout qu'il y a vraiment matière à faire des très bons. Bah, maintenant, de toute façon, les comics de plus en plus sont scénarisés et écrits pour être adaptés à la télé. C'est pas Enfin, faux. il y a plein de comics enfin, ça se ressent dans l'écriture et dans le fonctionnement des arcs, etc. Voilà. Donc bon, il n'y a pas que les super slips dans les comics. C'est C'est ça. effectivement bien qu'on trouve autre chose. Voilà. Kingsman en est aussi une démonstration. cette année. Par contre, il y en a un pour lequel c'est mort, Arnaud. Oui, pour la deuxième fois, puisque ouais. C'était très très long cette adaptation. C'est le film Lock and Key, qui apparemment ne verra jamais le jour. Hein. Et c'est pas la première fois qu'un projet d'adaptation tombe à l'eau, puisque en 2011, la Fox avait produit un pilote qui n'a jamais été, qui n'a jamais dépassé la phase pilote, puisque ça avait été considéré trop effrayant. Et donc là, c'est le film, après la série, c'est le film qui tombe à l'eau, mais ils cherchent toujours à développer une série télé, une nouvelle adaptation télé. Donc à voir si ce projet tombe à l'eau, jamais 203, comme on dit, ou s'ils arrivent à aller au bout cette fois-ci. Bah, Lock and Key, encore, hein, excellent comics qui serait agréable de voir. Après, si on le voit pas, on le voit pas. Hein, mais... Ça pourrait faire un bon film. Un film pourrait suffire. Hein. Un ou deux pourrait suffire. Ou même une mini-série. Donc, pas besoin de faire 10 saisons, mais 10-12 épisodes pourrait suffire. Hein. Pas sur un gros projet, là. Oui. À suivre pour Lock and Key. Mais en tout cas, ça semble pour le moment mal barré. Ouais. Alors, on va commencer l'actu comics VO. Je ne suis pas prêt du tout. C'est pas bien ça. Les ventes de comics de septembre sont tombées. Que dire de ces ventes? Que Marvel est en tête? Étonnant. Est-ce que c'est une surprise? Non. 32% des unités, 32% des dollars récoltés sont allés dans la poche de Marvel Comics pour le mois de septembre et 38% des comics vendus sont des comics Marvel. DC est à la ramasse. Comme toujours. Comme d'hab, 26% en dollars et 26% également en unités, donc ce qui fait un écart de plus de 12%, presque 12% pour ce qui concerne le nombre de comics vendus et de 6,5% pour les recettes en dollars, écart qui s'est quand même réduit au cours du mois de septembre par rapport à l'été. Alors, l'été, l'écart était beaucoup plus important. La bonne surprise, c'est Image Comics qui est à 12%, que l'on parle de recettes ou de nombre de comics vendus. Donc là, Image, quand on se rappelle sa moyenne l'année 2014, qui était plutôt autour des 9, voilà, là on voit régulièrement au-dessus des 10%. Là, 12% pour le mois de septembre, c'est vraiment très très très bien. Et c'est mérité. En plus. Petite chose intéressante à savoir du côté de ces chiffres et de l'analyse de ces chiffres. Si Marvel n'avait pas de comics Star Wars, ouais. Serait derrière DC. Ah ouais, quand même. Puisque la vente de comics Star Wars, si Star Wars était une maison d'édition à eux tout seuls, ils seraient troisième. Ah ouais, ça veut dire Marvel et DC. Voilà, donc devant Image Comics, ou en tout cas pas très loin à jeu égal, voilà. Ah ouais. C'est dire le succès incroyable des comics Star Wars chez Marvel. Bah, ça veut surtout dire aussi la fanbase incroyable. Et puis l'attente autour de ce nouvel univers. Oui. Sans surprise, le comics le plus vendu en septembre, Journey to Star Wars The Force Awakens, Shatter's Empire, numéro 1. Deuxième, Star Wars, numéro 9. Oh la vache. Et Batman, qui tenait la tête des ventes de mois en mois, sauf gros événements, se retrouve troisième. C'est la place qu'il occupe régulièrement maintenant. Batman numéro 44, troisième. Pour rester dans Star Wars, Darth Vader numéro 9 est cinquième. Ah oui, effectivement, on l'a eu vraiment... C'est vraiment le haut du tableau. Et puis Marvel peut dire merci aussi à Deadpool, puisque Deadpool versus Thanos numéro 1 et 2 occupent les places 4 et 10 du classement. Quand même. Pour DC, il ne reste que Batman Annual 4 en 7e et Justice League 44 en 8e. Voilà. Ah, effectivement, c'est un peu l'humiliation. C'est ça. Alors, le truc inattendu en 6e place, Amazing Spider-Man Renew Your Vows, qui est le titre Spider-Man autour de Secret Wars, là, qui revient sur Spider-Man version mariée avec des enfants, qui semble plaire, parce qu'il est en 6e position. Voilà, je ne sais pas ce qu'il fout là, mais il y est en tout cas. Et puis le top 10 est complété par The Walking Dead, numéro 146, qui se classe 9e. On n'a pas vu beaucoup hein, des numéros 146 dans le top 10. The Walking Dead là fait quand même une sacrée performance. Du côté des TP, évidemment, Saga volume 5 en première place. Normal. Descender volume 1 en deuxième place. Le podium est complété Normal. Par un Batman volume 7 Endgame en hardcover. Et puis on trouve du Chrononauts, on trouve du Mad Max. Saga, le TP numéro 1, est toujours dans le top 10. Enfin, voilà. C'est cool. Enfin, pour Descender, ça ne me surprend pas parce que je ne sais pas si tu avais fini de lire Mathieu, mais c'est vrai que le premier, je crois qu'ils appellent ça Book One, C'est vrai que la manière dont il terminait le coup de poil, c'était Alors, j'en vraiment. suis pas là. Le TP, ça y est, a réussi à se visser sur le tout à fait le sommet de ma pile de lecture. C'est le prochain. Non, mais honnêtement, c'est vraiment un sans faute de l'émir. C'est un travail remarquable sur Dissender. Puis juste pour enfin, le boulot de Nguyen de toute manière. Oui, c'est très très beau. C'est magique, quoi. Voilà pour ces ventes en 2015, en septembre 2015. Et puis, si Star Wars a déjà une suprématie, Marvel compte bien continuer, puisqu'ils ont annoncé une nouvelle série pour 2016, Clément. Oui, et pas n'importe quelle mini-série. Donc, ça serait une mini-série. Donc, Obi-Wan and Anakin. Donc, par Charles Soule et Marco Cecchetto. Cecchetto, ouais. Et donc, ça se passera au tout début de l'apprentissage d'Anakin, bien avant Clone Wars. Voilà. Donc, il y a besoin d'ajouter quelque chose, quoi. Une nouvelle partie de C'est la saga ça. cinéma qui est explorée, là, une nouvelle époque avec Obi-Wan et C'est Anakin. ça. Marvel qui a trouvé la recette, hein. Une série Ouais. régulière Star Wars, une série régulière Darth Vader qui dure sur le long terme et plein de mini-séries sur des personnages bankable. Bah, c'est le bon plan. Voilà, je pense que c'est vraiment comme ça qu'il fallait faire et jusque-là, la Chapeau. stratégie fonctionne. Ah bah ça m'étonne que t'aies choisi cette news, tiens Clément. Qui Bah, va faire son retour en 2019 chez Marvel? ça serait. Oui, non, en fait, c'est une série. Donc, une série Power Man and Iron Fist. Voilà. Donc Voilà. les deux Heroes for Hire qui se retrouvent pour une série en 2016 chez Marvel. C'est pas du tout pour Étonnant. anticiper. C'est pas du tout Est-ce anticiper. qu'ils sont pas en train de tourner Luke Cage par hasard, donc Power Man? Ouais, c'est ça. Bon, par contre, les images, c'est dégueulasse. Oui, bah voilà, hein. On va se contenter Ah du ouais? titre pour le moment, parce que c'est pas très très très J'ai très pas vu. très beau. Ouais, non. Enfin, moi, ça m'a pas envoyé du rêve, en tout cas, pour le moment. Ah non, c'est même I2. C'est Comment I2. ça? Ah oui! Ah les deux! Voilà. Ah, c'est Tu le moche! vois bien, le fist? Ah le sens bien. Oh oui, Oh mon Dieu. oui là oui, c'est. Ouh! Ah Voilà. oui quand même! Aïe, ça Ah, fait. Ah on ouais. peut donc enchaîner sur ce gros succès d'Iron Fist. Et nous parler d'un des deux premiers crossovers annoncés par Marvel pour 2016. Ouais, et alors, Là aussi, ça fait rêver. après le succès de Spider-Verse, où tu avais plusieurs versions de Spider-Man d'univers alternatif qui se retrouvaient, là, ça va être un event assez similaire en 2016, qui s'appellera Spider-Woman. Et donc, ce sera un event où se croiseront Spider-Gwen, Spider-Woman et Silk. Donc, Jessica Drew et Cindy Moon, Spider-Woman et Silk, vont se retrouver coincés dans la réalité alternative de Spider-Gwen, pendant que les sosies de Spider-Woman et Silk vont semer la panique dans le New York de l'univers mainstream. Voilà. Ok, bon. Fait rêver. Pourquoi pas? Bah, disons que Spider-Gwen et Silk, l'impression que c'est Pistouille. deux boulets qui ont été attachés à la franchise Spider-Man et que Marvel a malheureusement vite porté. Bon, d'ailleurs, Silk, Cindy Moon, quoi, c'est quoi ce nom? Mais son nom de super-héros, Silk, c'est moche. Une production porno, une parodie porno, ils n'auraient pas trouvé un meilleur nom. Cindy Moon, bordel. Bref. Voilà, c'est pas l'event qui va m'accrocher sur Spider-Man en 2016, ça c'est clair. J'allais faire un truc, mais je vais me censurer. Oui, c'est bien. C'est bien. C'est bien l'autocensure dans ton cas. Voilà, continuons avec toi Clément, et un deuxième crossover annoncé concerne les Avengers cette fois. C'est ça. Donc, ça s'appellerait Avengers Standoff. Donc, ça va être le nouveau gros event de ce début d'année 2016. Donc, qui débutera en mars avec Standoff, Assault of the Pleasant Hill Alpha. Ils n'auraient pas dû faire un titre moins long. Donc, par Nick Spencer et Jésus. Bah oui, réseau Résus. 16. Bah oui. Et puis des tie-in dans Sam Wilson, Captain America, Hollywood. T'as dû oublier un truc, non? Alors, Sam Wilson, Captain America, c'est une série. Ouais. Il y a des virgules. C'est des noms, c'est des séries très longues, des noms Il y a des très très longs. virgules et des Ah, points-virgules. d'accord. Ah oui, ok, je l'avais pas vu. Ah oui, d'accord. Oh la vache. Donc, je refais. Donc, Sam Wilson, Captain America, dans la série après. All New, All Different Avengers, ensuite Uncanny Avengers, News Avengers, Angels of Sea, Shield et d'autres titres qui seront annoncés. Plus tard, voilà. Ça va commencer cette histoire par Captain America, Steve Rogers vieux, qui se fait agresser à Pleasant Hill justement, et puis voilà, c'est une histoire qui va contribuer à fêter l'anniversaire de Captain America notamment, et qui va mettre donc en avant les trois versions différentes de Cap. Voilà, bon, ça me fait un peu plus envie que Spider-Woman, mais c'est pas non plus. Ouais. Non, moi le nom déjà, ça me. Ouais, ça me prend du but. Stand-off? Non, mais ouais. Tout. Oui, Avengers Stand-off, c'est moche. Stand-off, Assault on Pleasant Hill Alpha, ça fait pas rêver. Bah, ça se terminera par un Omega, oui, donc c'est la mode maintenant. Comment c'est ouais. Un Carnival? Bonjour, je voudrais un Stand-off, Assault on Pleasant Hill Alpha. C'est un peu ça, ouais. Ouais, ouais. Non, bon, voilà, c'est pas Marvel n'a pas fait des annonces comics bien brillantes. On va passer du côté de chez DC maintenant, et du côté de chez DC, ce sur quoi compte DC pour sauver la maison, c'est Dark Knight 3, et donc du coup on va pousser un peu la franchise quand même. C'est ça. Donc Dark Knight Returns donc aura le droit à un préquel en one shot par Frank Miller, Ryan Azzarello et John Romita Jr. Donc ça sortira en février durant la pause de Dark Knight Returns. Donc ouais, ils essaient vraiment de tirer sur la corde. C'est ça. Donc Frank Miller, Brian Azzarello, John Romita Jr. Là on a quand même trois noms de légende. Voilà pour le one shot qui va se vendre par camion. Moi ce que je retiens quand même, c'est que ça sera pendant la pause de Dark Knight 3. La pourquoi pause, une pause? Pardon, un truc en 8 numéros, vous faites une pause? Ils sont pas foutus de sortir 8 numéros de suite? C'est quoi ce délire? C'est d'ici, quoi. Bref, ça me surprend un peu cette histoire. Enfin, ça me surprend. Non, ouais. Rien me surprend en termes de délai maintenant, mais quand même. Enfin, moi, ça me tente absolument. Déjà que Dark Knight 3, le numéro 1, était censé sortir en novembre, il y a dire. Ah, il sort quand, du coup? Décembre. Donc, ah, déjà, dès le numéro 1, on te prend 3 semaines dans la gueule, donc. C'est qui déjà qui doit être au dessin? Bah merde, tu m'aurais dit que ça serait Jim Lee, ça m'aurait pas étonné. Non, c'est pas Jim Lee. Oh merde, du coup, tu. Andy Kubert? Oui, Andy Kubert. Ouais. C'est ça. Ah ouais, c'est étonnant, pourtant, Kubert. Mmh. Non, pas vraiment. Non. Du côté de DC, on continue avec une annonce faite par Scott Snyder qui a annoncé que Greg Capullo ferait une pause sur Batman après Batman numéro 51 pour travailler sur un projet de Creator Owned avec Mark Millar. Donc Capullo sera absent pendant quelques numéros. On ne sait pas combien. On ne sait pas encore qui va le remplacer. Apparemment, ça se fait. Alors, tout ce qu'on sait et qu'on a appris en off à Paris Manga le week-end dernier, on a pu rencontrer Yannick Paquette, et puis en discutant un petit peu avec lui, il m'a dit qu'il allait dessiner du Batman autour du numéro 49. Ah ouais? Voilà. Après, voilà, il ne parlait pas du numéro 51, de après le numéro 51, il parlait plutôt du numéro 49, ce qui, moi, me semblait plutôt pas con, parce qu'effectivement, le Batman 50 arrivant après, ça va forcément, vu le numéro 50, être un numéro oversized, machin, donc Capullo aura peut-être besoin de temps pour le faire, donc du coup, prendre un artiste fill-in, comme ça se fait souvent, en l'occurrence Yannick Paquette, pour faire le numéro 49 et permettre à Capullo de préparer le 50 sereinement. Voilà, c'était donc pas. Il dégage pour le 49, il revient pour le 50 et il se rebarre après le 51. Ouais, c'est ça. Ça, donc il va refaire peut-être un gros arc en deux avec le 50-51 et puis après, voilà. C'est ça. Donc, bon. Enfin, Capullo, ça fait combien de temps du coup qu'il est sur. Depuis le numéro 1. Ouais. Depuis le premier, hein. Il y aura eu quelques numéros fill-in, évidemment, ouais. Voilà, mais pas beaucoup, hein, pas tant que ça. Ouais, c'est ça, donc depuis... Il en aura fait plus de 40 sur les 50. Ouais, puis il faut voir le boulot qu'il fait aussi, quoi. Et rarement, il a... Enfin, moi, en tout cas, rarement, il m'a déçu. Non, c'est vrai, dans les deux, il y en a un qui bosse. Ouais, non, mais c'est vrai que Capullo, lui, a toujours été comme ça, et j'ai jamais senti, dans tout le boulot qu'il fait, là, sur Batman, depuis 4 ans, ça passe très vite, j'ai jamais senti qu'il avait tendance Ah ben fait ou pas, parce que la preuve, même dans j'ai mémoire, dans il y a quelques mois, il a fait des planches qui m'ont surpris parce que j'ai trouvé ça très très original. Donc je pense que la pose de Capullo se fera sentir sur le film. Clairement, Ça dépend de qui le ça remplacera. dépend qui. Ben, la rumeur, apparemment, il y a une rumeur, ce serait Murphy. Hein. Ouais, Sean Murphy, bah, qui a souvent bossé avec Snyder, donc Ouais, donc ce serait pas ça surprenant. serait possible et ce serait pas forcément moche. Non, oui, c'est ça, Murphy. Je sais plus Si. sur quoi il a bossé. Sean Murphy avec moi j'ai en tête forcément Joe l'aventure intérieure et tout. Avec Snyder, c'était sur American Vampire. Ouais. Ah, bah, c'est pour ça que le nom n'était Voilà, pas donc s'ils inconnu. font un arc un peu grim and gritty, ça peut être cool. Ouais, donc après, je sais pas combien de temps Capullo va faire sa pause, quoi. 5 6 mois, peut-être. Ouais. Donc, bon, on verra bien. On verra bien, ouais. En tout cas, le programme, enfin l'idée d'un comics Marc Millar Greg Capullo. Ouais, je suis bien d'accord. Pourquoi pas? Allez, on va terminer, enfin on va avancer sur ce mag qui atteint bien presque 1 heure, on l'avait dit, un hein, mag oversize cette semaine. Toujours sur. Non, c'est plus DC cette fois, on arrive sur Dark Horse et Frank Miller a fait son retour, on le sait, sur Dark Knight 3. Et ben, visiblement, il y prend goût, puisque Clément. Ouais, il va faire son retour pour un titre que l'on ne connaît absolument pas. Donc, il l'a annoncé. Frank Miller revient sur DC. Eh ouais, sur Sin City. Voilà. Par contre, d'accord, eux n'ont rien annoncé. Non, mais en même temps, c'est bien que ce soit le grand monsieur qui l'annonce lui-même. C'est ça. Mais est-ce qu'on a envie de lire ça? Oh, je pense que les fans de Sin City vont Ouais, être super je contents. pense. Frank Miller a quand même fait une grande œuvre avec Sin City, et je pense que ouais, c'est. Après, je ne sais pas quel est le talent scénaristique du monsieur après une si longue interruption, et voilà, mais. Tout cas, c'est pas le film qui va donner envie, hein. Le Non, bah deuxième. c'est sûr, mais son œuvre comics, en tout cas, voilà, ça fait partie des grandes choses du comics indépendant. Donc, tant mieux pour les fans et les amateurs qui auront droit à une histoire supplémentaire. C'était un peu inattendu. Toujours chez Dark Horse, toujours inattendu, Arnaud. Ouais, et pareil, enfin, non pas pareil, mais là pour le coup, on n'a pas forcément envie de lire ça. C'est un graphic novel pour l'été 2016 de Buffy, qui va s'intituler Buffy the High School Years. Donc, comme le titre l'indique, c'est retour aux années lycée par Faith Erin Hicks et au dessin Yishan Lee. Donc, deux inconnus pour moi. Oui. Et donc, on ne sait pas trop de quoi ça va parler. À part qu'on va revoir, ça passera pendant la saison 1, comme l'a dit la scénariste. Imaginez ça comme un épisode perdu de la saison 1. Et puis, il y a une histoire d'une bande de vampires qui les attaque. Et des quelques dessins qu'on a pu voir, ça donne pas envie, pas du tout. Et moi, enfin, franchement, les dessins, j'ai eu plus l'impression de voir des planches de comics que de manga que de comics. Moi, ça me tente un peu cette histoire-là parce que c'est, il y avait une C'est série assez animée, il y moche. avait une série Buffy Vampire Slayer qui était plus ou moins en projet à un moment, Oui, le dessin animé. qui s'est arrêté à la pré-prod. Oui, série animée, ouais. Et du coup, Ah bon, là, on le. c'est les caractères design de cette série animée qui sont repris dans ce comics qui sera un one shot, donc ça a pas plus de conséquences que ça. Donc à la rigueur, franchement, je sais pas, moi je suis pas rebuté. Les dessins, franchement, de la Bon, ça fait version manga, mais bon. série, et qui en plus a été repris aussi dans le comics Buffy, puisqu'il y a un épisode de la saison 8 où justement Buffy rêve, hein, et elle rêve en fait en version animée. Elle rêve qu'elle est retour au lycée et que tout le monde est en version animée. Ils ont repris des. Bah ouais, mais il était sympa cet épisode. Ben, il était bien, sauf que là, c'est pas les mêmes dessins, c'est pas du tout les mêmes dessins. Ouais. T'as du mal à lire l'article, c'est pas du tout les mêmes dessins. Ils ont pas repris les dessins. Ah bah c'est ce que tu as annoncé, mais bon après, Et là, pour le coup, oui, ça fait manga plus que comics. Je trouve pas ça très beau. Ils ont énormément rajeuni les personnages, même par rapport à leur version télé. Ouais, mais du coup, retour au lycée, ça sera plus crédible que de voir des acteurs de je sais pas combien, enfin bref. Oui, mais bon, on a été habitué à les voir comme ça. Oui, c'est sûr. Bon, bref, ça fait pas rêver. Eh ben moi oui, donc on verra quand ça sortira. Dark Horse toujours? Ouais, là, je sais pas si ça fait plus rêver, mais en tout cas, le projet de base donne plus envie. C'est toujours pour 2016 et un graphic novel, How to Train Your Dragon, donc appelé en français, c'est les films Dragon en français. Donc là, ça s'appellera The Serpent's Heir, donc l'héritier du serpent. Et ça se passera quelques heures après la fin du deuxième film. Je vous spoil pas ce qui se passe à la fin du film, mais ça se passe quelques heures après. Donc si vous avez le film en mémoire, c'est très important. Et le comic sera coécrit par Dean DeBrock, qui est le réalisateur et scénariste des films, et par Richard Hamilton, qui est le scénariste de la série Netflix. Et c'est le seul qui a été annoncé pour l'instant avec un titre, mais d'autres comics tirés de cet univers-là sortiront l'année prochaine. Et Dark Horse aime décidément les licences. Et oui, ils ont annoncé deux autres licences. Alors la première, c'est Avatar. Hein. Ils ont annoncé des comics Avatar. Ils ont acheté la licence pour les 10 prochaines années. Et quand on sait le gros planning pour le film, on va en bouffer du Avatar puisque le prochain film sortira en décembre 2017. Et après, chaque décembre, il y aura une suite. Donc on en a jusqu'en 2019. Hein. Plus les comics pendant 10 ans. Donc on a de quoi bouffer du Avatar. Et on va aussi bouffer du Alien, parce qu'il y a aussi un film qui est en pré-production actuellement. Et Plus bien, une il y a aussi... suite de Prometheus, enfin bon, bref. Oui. Et là, il va y aussi avoir un comics qui s'appelle Alien Defiance, écrit par Brian Wood et dessiné par Tristan Jones. Ouais, donc 2016, là encore. Et puis, on continue dans les annonces ou pseudo-annonces. Or, celle-là. Vas-y, Clément, tu finis sur un bouquet final. C'est ça, une annonce qui va Une annonce d'annonce. c'est C'est ça, ça. qui va toutes nous ravir. Donc selon Deadline, donc c'est selon, hein, donc ça veut dire que c'est pas Oui, mais en certain, général, c'est ils ont rarement ouais, tort. Surtout voilà. pour un truc comme ça. Pour le moment, c'est la catégorie de rumeurs, on va dire, mais ça sera sûrement confirmé. Donc Stanley et William Shatner annonceront un projet à la Stanley Comic Age Expo du 30 octobre au 1er novembre. Voilà, Voilà. bah tout est dit. C'est C'est dit. l'info dans son entièreté. Voilà, c'est l'info qu'on le guettera le plus sur la fin de ce mois d'octobre. Sachez-le, dès le premier mag du mois de novembre, forcément, on ne pourra que vous mettre au courant. On en fera la première actu, hein, de cette émission. Stanley et William Shatner vont faire quelque chose ensemble. Je sais même pas qui Moment où on se c'est sépare William DDB, Shatner. tout ira bien. Tu sais pas qui est William Shatner? William Shatner, Star Trek. Mon Dieu. Ah. C'est aussi Hooker. Oui, mais non, le Star Trek, c'est Bon, mais une écoute, autre culture. on arrive Bah, à c'est la pas une fin. culture. On arrive à la fin de ce mag, ça te laissera le temps d'aller te faire une petite culture shatnerienne. Juste, on va terminer rapidement par se refaire un petit retour. Il y a un an à New York, justement, New York Comic Con, Marvel annonçait ce qui était censé être le gros événement de 2015, qui allait révolutionner l'univers Marvel. Ils annonçaient Secret Wars. Un an après, on en est où? Nulle Et c'est part. toujours pas fini. Un an après, c'est toujours pas fini. Le numéro 9 va sortir. Alors, d'abord, c'était prévu en 8 numéros. Finalement, ils en ont rajouté un 9e. C'était déjà pas assez long. Des retards à n'en plus finir. Le All New, All Different Marvel a commencé là, la semaine dernière, avec Iron Man numéro 1, Spider-Man numéro 1, etc. Donc l'univers post-Secret Wars a commencé, mais Secret Wars terminera en janvier. Ils ont pas du Ah, les tout fait. bouffons. Ils n'ont pas du tout fait traîner les 20 ans. Voilà, donc c'est un foirage total que ce Secret Wars. Ouais. Moi personnellement, j'ai pas envie d'aller lire la fin d'un truc alors que je sais très bien que les personnages que je suis en train de lire maintenant, c'est ce qui se passe après, donc ils sont encore en vie, j'ai pas peur pour eux. C'est clair. Enfin, moi, clairement, j'en ai rien à battre de ce qui va se passer à la fin de Secret Wars maintenant que j'ai la liste des nouvelles séries et que en plus je peux commencer à les lire. C'est ça. En plus, bon, ça a cassé quand même pas trois pattes à un canard, hein, on va pas. Ouais, moi j'en ai rien à foutre. Jusque-là, enfin voilà, j'ai péniblement lu les 5 premiers. Le numéro 6 est sorti la semaine dernière, j'ai pas très envie d'aller le lire. En même temps, c'est un event, bordel, c'est l'event de l'année. Ils ont été capables de se foirer et de nous mettre des délais de plusieurs mois de fin. Je ne comprends pas et ça m'agace un peu, donc du coup, bah peut-être que Secret Wars, je le terminerai quand ça sortira en kiosque en VF pour pas cher. Hein, parce que pour le prix d'un numéro en VO, et ben on en aura 5 dans le magazine Panini, donc ça sera très bien. Voilà, donc il y a un an, Marvel annonçait Secret Wars, mais un an après, c'est toujours pas fini. Voilà qui conclut ce mag numéro 25, numéro anniversaire dans les comics, et donc du coup numéro double forcément. Ça a été double en durée aussi, parce qu'on a dépassé l'heure d'émission. On se donne les rendez-vous prochains. C'est quoi? C'est pas demain, c'était hier. La sélection VO sur notre page VO, n'importe quoi. La sélection VF sur notre page YouTube, avec le top 5 des sorties de la semaine. Jeudi, on se retrouve pour sur nos écrans numéro 25. Lui aussi, on verra si on fera aussi long. Consacré à Arrow et à The Flash qui ont fait leur retour la semaine dernière. Et puis, on se retrouve, nous, mardi, pour le 26e numéro du mag, qui, garantie, sera plus court. D'ici là, bonne lecture, bonne série, et à bientôt. Salut. Salut.